Donc, clairement, un gourou coule du miel dans les oreilles de ses victimes, c'est ça. Puis moi, ben, c'est du fiel, je pense. Dans le sens que je suis pas là pour. De toute façon, un vrai gourou, là, il va alterner. Parce que c'est une mécanique, hein, d'idéologiser quelqu'un puis fanatiser quelqu'un sur des techniques. Puis ils vont altérer au niveau d'une polarité. Une journée, ils sont gentils, l'autre journée, ils sont méchants avec leurs adeptes. Puis comme ça, ils opèrent une perte de repère. Mais non, je peux pas avoir de secte parce que je veux pas personne. Je veux avoir la paix. Moi, pour moi, là, c'est pas important d'avoir du pouvoir à l'extérieur, c'est important d'avoir du pouvoir à l'intérieur. Fait que pour moi, toutes tes projections au niveau des autres, je veux que les autres fassent leurs affaires. Le supramental, ça devrait tout le temps que les gens aient leur propre contact et qu'ils soient autonomes. Il faut qu'ils soient autonomes. Donc, je peux pas fonder une secte. Comment voulez-vous que je fasse ça? J'entrerai en contradiction avec moi-même. Puis je vais nuire à ma propre intégration, je vais nuire à ma propre affaire si je fais ça. Même si j'ai jamais fait de consultation, c'est parce que je me sentirais pas bien là-dedans, parce que j'aurais une espèce de syndrome d'un imposteur. Je me sentirais comme un imposteur. J'ai pas envie, moi, de fourrer le monde. Leur faire payer pour quelque chose que moi-même, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de rien, là. J'ai jamais été dans l'assertion totale. Je suis quelqu'un qui est pas. Je ne vais pas me mettre à me penser intelligent. C'est drôle là qu'il y a un problème. Puis là, on mène les autres en bateau par notre propre bateau parce qu'on se mène en bateau. Les gens qui se prennent au sérieux puis qui se pensent assez fins pour faire de la consultation, souvent, c'est parce que justement, ils sont dans le champ. C'est pour ça que moi, je peux pas faire payer le monde pour rien. Je peux même pas j'oserais même pas mettre des petites pubs, là. Je peux pas faire ça. Ça irait contre mes principes, puis c'est au niveau d'un conflit que j'aurais envers moi-même, puis ma propre objectivité. Je peux pas faire payer le monde, voyons donc. Je peux pas non plus donner de consultation. Puis vous savez, peut-être que si j'avais été malhonnête, ben je l'aurais eu les moyens pour le chat. C'est pour ça, des fois, je suis en colère. Je suis en colère, je me dis, toute ma vie, je vais avoir subi des espèces de tests, puis des espèces de mises en initiation pour que j'aille tout le temps le strict nécessaire, puis que je sois tout le temps moi-même sur un fil. Comme là, je suis proche aidant, puis parce que j'ai décidé ça, j'ai choisi ça. J'ai pas fait vraiment d'études. Oui, j'ai fait des études, mais dans un domaine que j'aurais jamais. Je vais tout le temps être surqualifié dans la région où j'ai choisi de vivre. Je suis dans une situation de merde. Vraiment, là. Mais j'ai tout le temps, là, ce qu'il me faut, là. Dans le sens que je suis tout le temps. Je suis pas à plaindre, mais. En tout cas. Puis là, je l'assume mon affaire dans le sens que je suis pas pour commencer à dire, ben là, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, parce que je le sais que le libre arbitre n'existe pas au sens où on l'entend psychologiquement.